parler c'est bon temps qui on est autre monde à moi. Moi qu'à parler pour t'écouter. Actuellement tout bon temps qu'à tomber. Laquer. Actuellement c'est tout pour nous changer. En nous pas boire, en nous pas boire sang. Et en nous laisser mon reste tomber. En nous pas tuer, en nous pas rire. Messieurs, changer. Ombre nous voit sans c'est plus mauvais nos cafés. Yo fait nous quoi important pour nous. Mon amour tout bon temps pour aller. Laquer. Actuellement c'est jour pour nous changer. En nous pas boire, en nous pas boire sans. Et en nous laisser mon rester tomber. En nous pas tuer, en nous pas haïr. Messieurs, changer. Fait mon dit la mort bot nous tenir côte nous bacamo à présent. Yo fait moun di, c'est nous qui passe à jouer. Mais yo pas jamais ça, c'est yo qui passe à enregistrer. Sous les yon bon toit de c'est la Guadeloupe. Sous la bon gawon, c'est tout, c'est la Guadeloupe. Sous les tout bon musique, c'est la Guadeloupe. Sous les orques sous pocotte, c'est la Guadeloupe. Sous les tout yon bon dis, c'est la Guadeloupe. Sous les tout bon comptoir. C'est la Guadeloupe. Donc la monde oui nous. Donc la monde de nous Mwen dou tout bon tan se pou anlè. Ay soube sa kou la ban che bon. Mwen mwen kwete I totan. Ay soube sa kou la ban che bon. Mwen te kabab toutan ouble. Ou te telman bien. Ou tape se bagete wansi. Ou pou lese mwen vek pou pati. Kala ben viwe I totan doudou. Ay soube sa kou la ban che bon. Même si vous vivez, il est total. Aïe, soupez sa coule au bon chèvre. Moi, de tout bon temps, c'est pour aller. Aïe, soupez sa coule au bon chèvre. Même si vous vivez, il est total. Aïe, soupez sa coule au bon chèvre.